Hey, j'ai jamais entendu ça, moi, sur le même plateau. On appelle ça un plateau. Sur le même plateau radiophonique. Studio, parce qu'ici, c'est des studios. À la télévision, c'est des plateaux. Comme au théâtre. Au théâtre, c'est les planches. C'est mêlant, hein? Les planches pour le théâtre. Studio pour la radio. Et puis là, c'était quoi, non, pour le... C'est ça. Et puis Marguerite Duras et Virginia Woolf se sont rencontrés ce soir. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, madame les voluptés, Virginia, oh, quel beau message. Avez-vous un message de liberté à offrir à vos lecteurs? On est en plein dedans, en plus. On est au mois. Merveilleux. Bravo, madame. On vous embrasse. Bienvenue à l'émission l'émission la plus avariée. Ah, mode. Ouais. Ça commence à virer sur le violet. Vert violet. Ah, c'est dur sur sur l'estimation de soi. Ah, mon Dieu, Seigneur. Alors, bienvenue à Facebook, ça, vous le savez, c'est merveilleux, on aime ça. L'absurde aussi. Aujourd'hui, le vendredi 28 août, depuis tant qu'on le dit, 28 août, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de Flou-Flou. Mon ami Flou-Flou! Qu'est-ce que Flou-Flou! Imaginez-vous sur scène quand les gens crient Flou-Flou! C'est merveilleux. Alors, c'est Flora Nouvelle, alias Flo-Flo. Flora Nouvelle et son personnage de Flo-Flo. Allez, j'aime ça dire Flo-Flo. Imagine-toi à 3 heures du matin. Flo-Flo, viens-tu Flo-Flo? Obtenu une aide, et puis aidez-moi. Aidez-moi, je suis en délapage. Paris Jeune Talent 2010. Il s'est fait accompagner par son projet. Et son coach était Philippe Albaret. Mais tout ça, il nous l'a raconté un peu la semaine dernière. Il va tenter de terminer, de boucler cette rencontre aujourd'hui. En juillet 2015, CKRL et Errance Rénadienne se trouvaient là, à Paris, sur la rue des Abbesses, pour rencontrer ce personnage haut en couleur. Au pan, la vie... Non, c'est au pan. Au pan, camarade. Voilà Florent. Lui qui était si délinquant et si voleur, et qui foutait un tel boucan, quand de malheur. Lui qui retroussait les bourgeois et les jupons, et qui allait cracher sa joie comme un fripon, a fini par muer malgré tous ses travers, se sent même remué quand son chien fait des vers. Il courtise la justice et le fric sans odeur, et appelle la police quand il voit des rôdeurs. Il était si assommant et si rancœur, avec ses fichus instruments d'enfant de cœur. Lui qui bombardait ses tourments aux décibels, qui portait des accoutrements pleins de bébelles, a fini par mûrir comme une grappe de raisin, a fini par sourire à cause de ses voisins. Retiré en coulisses, caché derrière sa porte, il appelle la police quand la musique est forte. Lui qui était tellement saoulon, tellement buveur, lui qui se maganait le colon avec ferveur, a dû se résoudre pour des raisons de santé, à marquer un sérieux arrêt et à se canter. A fini par être sobre en sombrant dans le jeûne, et sans aucun opprobre fait la morale aux jeunes. Quand un ancien complice pisse sur son gazon, il appelle la police pour qu'on le foute en prison. Lui qui aimait tant courroyer, lui si nasseur, lui qui aurait même pu farfouiller avec sa sœur, lui qui était à son meilleur dans le tripotage, soit réduit à être un voyeur de bas étage. Profite de l'altitude, de la fenêtre de sa cuisine, surveille les habitudes de la fille de sa voisine, relève tous les indices qui peuvent le déranger et appelle la police pour prévenir le danger. Lui qui était si ratoureux dans la noirceur, du temps qu'il était moins peureux et plus fonceur, lui qui cachait toutes ses chimères sous son écorce, lui qui clamait que l'éphémère était sa force, qui jetait l'anathème sur tout ce qui reluit, en foquant le système pour tuer le bourgeois en lui, sans porter préjudice à sa réputation, il appelle la police pour des informations. Il était si insolent et si bête qu'on lui aurait battu les flancs sans résultat. Aujourd'hui tout ça le meurtrit, lui casse la tête, serait-ce parce qu'il aurait trop ri, trop fait la fête? Aurait-il oublié l'énergumène qu'il fut? Est-ce le prix à payer pour tous ses vieux refus? Prix qu'il doit renchérir sans la moindre riposte chaque fois qu'il va quérir son propre fils au poste. Ton lit. Il s'était planqué dans un pli. Il avait dormi avec moi, avait frotté mon pyjama. Je prends mon courage à deux mains. Je le dégage de mes reins. Je lui arrache la couverture. Il bronche pas, il fait le dur. C'est quoi? C'est le chat, non? J'adore ce moment. Je peux le faire durer aussi longtemps que je veux. C'est ton magazine plein de recettes de cuisine pour faire craquer les hommes, leur faire croquer les pommes. Ce serait trop bête que tu perdes la tête. Tu sais, je crois que notre histoire, elle est un peu rare. C'était le numéro de l'été. En plus des conseils beauté, il y avait un supplément sexe. Est-ce que tu penses à ton ex? Même si je l'aime pas ce gars-là, il mérite plus que ce mot-là. Il a fait partie de ta vie, ce mec qu'aujourd'hui tu renies. Dans ton magazine, plein de recettes de cuisine pour faire craquer les hommes, leur faire croquer la pomme. Et ce serait trop bête que tu perdes la tête. Tu sais, je crois que notre histoire, elle est un peu rare. À la page 24, il y a les détails du bel âtre. Que les poissons vont rencontrer sur la plage de Saint-Tropez. Toute l'année résumée par cette chère Madame Tessier, qui pour une thésarde de son âge est beaucoup trop lue sur les plages. Sur la plage de Deauville, qui me rappelle un film de Trintignant. Nous regardions ce film quand tu sortais de Sciences Po. Il y avait Marion Jalard, Nicolas Murth, cette charmante professeure d'anglais à la jupe beaucoup trop courte. En fait, c'est tellement facile de faire de la chanson française. Trois petits accords et on parle n'importe quoi. Tant qu'on sort de la Sorbonne et que papa est bien placé. Mon amour, jette-moi ça. Mon amour, jette-moi ça. Mon amour, jette-moi ça. Viens t'amuser avec moi. Mon amour, jette-moi ça. Mon amour, jette-moi ça. Mon amour, jette-moi ça. Viens t'amuser avec moi pour que l'horoscope ne mente pas. Tu peux ajouter à tout ça le tout mini bikini couleur camouflage de treillis. Puis si t'es

cajot. Lily. Elle s'est tapé des sales boulots. Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège. Lily, elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aime un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour un sou, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi le poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Allez, on la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. On est prêt, on y va. Le vélo! Est-ce que tu fais du vélib? Ah non, moi je préfère mon auto. Je vais quand même pas partager avec une bande de bobos. Une selle, c'est personnel. On s'y frotte l'escarcelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils n'ont pas prévu les lingettes. C'est dégueulasse. Attendez. Attendez les lingettes. Oh. Et puis c'est presque gratuit. On ne fait plus du tout le tri. Aristocrate et prolo. Tout le monde sur le même vélo. Oh. Je suis pour le tri sélectif, moi. Des chaises et des cyclistes. Viens, Nestor, prends la voiture. N'écoute pas ce qu'ils murmurent, hein. Vélo pour tous, tous pour un vélo. Faites passer le mot, c'est le Vélib credo. Et un vélo pour tous, tous pour un vélo. Faites passer le mot, c'est le Vélib credo. Est-ce que tu fais du Vélib? Ah non, moi je préfère mon auto. Je vais quand même pas partager avec ceux qui paient pas d'impôts, non, mais les chômeurs, les profiteurs, ils font déjà rien de leur malheur. Pas question de les pousser à aller véliglander, non, mais. C'est sympa d'être écolo, mais c'est pas bon pour mon ego. Je me sens tellement plus puissant, assis derrière mon volant. Je fais chauffer le moteur, je fais passer un mauvais quart d'heure en intoxiquant tous ceux qui chantent ce petit air joyeux. Petit air joyeux. Vous êtes prêts? Un vélo pour tous, tous pour un vélo. Faites passer le mot, c'est le Vélib credo. Ensemble, un vélo pour tous, tous pour un vélo. Faites passer le mot, c'est le Vélib credo. Est-ce que tu fais du Vélib? Ah non, moi je préfère mon auto. Je vais quand même pas partager avec une bande de péquenots. Je lis toujours en conduisant, ça me rend plus élégant, ouais. Ils n'ont pas pensé aux tablettes pour les livres et mes lunettes, attendez. Parbleu ! Est-il interdit d'être un sportif érudit ? S'il remplace la sonnette par quelques vers de Colette, ou bien de moi, ouais, je suis poète, oui. Halte, halte, bicyclette, poussez-vous, analphabète, serait le son de ma glinglette à moi.

passe idiot. Fais-toi plutôt un bain chaud. Oh, vous savez, le bain, quand on rentre dedans, ça fait des frissons. Oh, là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, non. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, avez-vous retenu la leçon? Alors, là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, oh. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, encore. Là, là, là, non, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé, non. Là, là, là, faut pas aller se tremper, non. Là, là, là, quand on est déprimé. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Je me demande parfois, je me demande souvent, dépendant de comment vient le vent, quand accoudé au bastingage, la mémoire déballe son bagage, et que le temps, ce vieux forçat, laboure son grand champ de remords. Je me demande comment t'aurais pris ça, qu'ain si tu n'étais pas mort, toi qui reluisais comme un blasphème, toi qui étais l'anarchie même, le front cinglé au mal d'amour, semeur de troc de l'or ballot, toi qui crachais ton malheur et s'aimer, quand le bonheur nous infestait, je crois t'avoir un peu aimé. Parce que les autres te détestaient. C'est tout comme s'il y avait des gens pour qui la vie est indigeste. C'est tout comme s'il y avait des gens qui sont peut-être mieux morts qu'indigents. Il y a du temps qu'il faut cueillir, car il n'est pas fait pour vieillir. T'étais pas fait pour vivre longtemps, tu as étiré tes 20 ans avec ta démarche incertaine. T'aurais pas pu, je le répète, poigner la courbe de la trentaine sans que tes bretelles ne pètent. Ce train qui délaisse l'âge tendre n'a pas pris le temps de t'attendre. Tu seras resté sur le quai de la gare à voir les années qui s'égarent. T'es peut-être aussi bien d'être mort, mon vieux, je sais pas ce que t'auras pu devenir. T'aurais eu de quoi te sentir envieux. Quelque part t'avais pas d'avenir. C'est tout comme s'il y avait des gens pour qui la vie est indigeste. C'est tout comme s'il y avait des gens qui sont peut-être mieux morts qu'indigents. Tiens, je vais te donner des nouvelles, attends que je tourne la manivelle. Un tel qui était si débonnaire est devenu un fonctionnaire. L'autre qui ne marchait pas au pas, qui se saoulait comme un débile, et retourné voir son papa pour vendre des automobiles. Celui qu'un grand souffle animait tellement qu'il jurait que jamais on ne le tournerait en dérision. Fait le trèfle à la télévision, d'autres ont vraiment tout arrêté. Déjà qui n'en est pas trop large ont fini en parfait raté. Et vive encore plus dans la marge. C'est tout comme s'il y avait des gens pour qui la vie est indigeste. C'est tout comme s'il y avait des gens qui sera peut-être mieux mort qu'indigent. Nous, on n'est pas trop dispersés, on se tient toujours loin, comme tu sais, des grands boulevards de la réussite. C'est pas les modes qui nous excitent. T'es mort dans nos années flyées, puis aujourd'hui, t'es mort de rire. Quand tu vas nous faire broyer, puis dire qu'on pouvait pas te souffrir. On s'est gardé un coin de bohème pour se chatouiller le système. On trinque encore sous le même toit, et puis les fois qu'on parle de toi, on se dit sans aucun remords. Tu vois comme on est corrompu. On se dit que dans le fond t'es bien mieux mort qu'un parce que t'aurais pas pu. Mais je signerai jamais pour 3 albums quelque part. Tu veux te sentir libre partout. Non mais je vais pas mourir. Puis qu'est-ce que d'abord. Est-ce que j'ai quelque chose à dire après voilà. 2 albums? Est-ce que celui-là je peux dire quoi? Que là j'ai dit quelque chose, mais est-ce que je sais que si dans 3 ans j'aurai quelque chose à dire? Les mecs, je veux dire, c'est je peux pas signer, je peux pas.

Mais j'ai fait ma lessive, j'ai fait une autre lessive. Ah non, non, non, tu triches, tu fais la lessive deux fois par semaine maintenant. Mais c'est pour ton bonheur, Alexandre, écoute. Dorénavant, tu auras du bonheur tous les jours. Comment ça? J'ai acheté la blanchisserie d'en face, qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Ah bah, c'est du propre. Allez, viens, mon zanzi, viens, je vais te faire mousser, oh, viens. Oh, non, non, non. Ne conteste pas. Oh là là, je me sens déjà tout lessivé. Oh, écoutez-la, écoutez-la. Oh ben, oh, vous savez, c'est pas rien. Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ce qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Hein? Il ne faut pas de physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus des crayons. Quand elle criait dans la rue, voulez-vous des crayons? Il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons. C'est ce qui est triste. C'est triste, ça, quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, il passait à côté de son panier, n'est-ce pas? Alors, avec sa main, alors, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand, et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste, ça, quand même, d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle était faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'elle avait un enfant, quoi. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Ben non, mais c'est ça qui la minait. Alors, elle l'a abandonné, son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ça qui est triste. Basse, batterie, guitare, les paroles, on verra plus tard. Tu

et font la fête, d'autres crèvent de faim et d'isolement. C'est pas ta faute, c'est pas ta fête. Je disais pas ça méchamment, mais à force de parler de rien, on finit par ne plus rien dire, et les regrets sont des refrains. Dédié aux mémoires des martyrs, je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Je dis silence, on pense. Silence, on danse. Et puis un jour, ce sera notre tour. Ils viendront nous sonner le glaïeul. Yeah. Alors que je m'entasse au comptoir d'un bistrot pour me payer une tasse, une dame rapide qu'au trot et se plaint au garçon qu'elle a perdu son sac. Je le trouve sans façon, lui rendu tac au tac. La voix là qui m'accuse me jette des regards, alors moi je récuse avec mon air hagard. L'affaire tourne au conflit, je suis dans de beaux draps. J'ai voulu être poli, et ben ça m'apprendra. Les clients me constatent et le patron aussi. Je frétille sur mes pattes et ça sent le roussi. Voilà que la bonne dame explique ce que je n'ai pas fait. Le conflit tourne au drame et je suis contrefait. Je n'ai plus d'autre choix que de fuir comme un voleur, comme un sans foi ni loi, sans grand sens des valeurs. La prochaine fois je vais laisser les choses par terre. Les gens sentent trop mauvais quand ils sont au parterre. Je m'éloigne à grands pas du lieu de mes déboires. Il faudrait quand même pas que je laisse un pourboire. Je marche prestement sans me faire remarquer. À n'importe quel moment, on peut se faire arnaquer. Tiens, déjà dans mon dos, un intrus me harcèle. Je sens comme un fardeau, comme si j'avais une selle. Il me crie par la tête, qu'est-ce que j'ai encore fait? Faut-il que je m'arrête pour constater les faits? Voici qu'il me rejoint, la main sur mon collet. Va-t-il m'offrir un joint ou bien un pistolet? Je me retourne prêt à faire face à la musique. Je suis dans tous mes états, tant mental que physique. L'homme qui me talonnait en me faisant courir me tend mon porte-monnaie armé d'un grand sourire. Vous l'aviez échappé là-bas sur le trottoir, mais pour vous rattraper, alors laquelle histoire? C'était un liquide. Oui. Oh merde. Du vin rouge. Ok. Un Bordeaux. Un Bordeaux avec je sais pas lequel précisément. Parce que alors j'aimerais être à la fois un. C'est marrant parce que je t'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Okay. J'aimerais être à la fois un Bordeaux de table, un petit vin de table, de bistrot. Tu sais, le vin oui. qu'on trinque entre potes, mm-hmm. parce que c'est simple, voilà. Un peu frais, un ballon. Un petit ballon, un petit pichet, tu vois, la cuvée du patron. Et en même temps, j'aimerais aussi être un bon Bordeaux, tu sais, avec plein d'épaisseur, oui. avec toute l'histoire du terroir, où tu te dis, putain, ça sent la framboise, le réglisse, t'as toute une histoire qui ça se raconte en même temps. En fait, j'aimerais être à la fois populiste. Populaire oui. et enraciné, c'est ça, à la fois près des gens et en même temps avec du contenu, ouais. avec une histoire, avec quelque chose à la rapporter, ouais. la convivialité et en même temps l'épaisseur, ce serait cool, mais ça c'est infini. Mais il y a 6 mois tu m'as dit, ben, en fait je dis ça parce que j'ai pas mal discuté avec mon amoureuse de justement, elle adore les vins de table. Le côté convivial du vin.

il y a une pulsion de vie qui reprend le dessus, te dire attends, là t'es en train de te, à nouveau te faire du mal, là ça va trop loin, là t'es aspiré vers un mauvais côté de toi, il y a quelque chose, ouais, t'oublie pas, la vie doit quand même, enfin j'espère, et je me bats pour ça, prendre le dessus quoi. C'est ce que je fais en faisant des chansons, j'essaie de redonner la vie, c'est bizarre de dire ça, mais de moi, les gens, les gens ils me disent, tu vas à des spectacles, on a l'impression que quand on ressort, c'est plus beau qu'avant. Putain, alors, c'est bien. Franchement, tu as offert une fleur. Mais au voilà, public, c'est ça, c'est la, ça. La public ça, ça me rend, tu vois, quand j'avais 15 ans, c'est marrant, c'était dans comme ce quartier-là. Le même morceau, hein, le même je crois que c'était ouais. dans la rue qui est juste là. Oui. Qui descend là. Oui, ça, c'est Aristide. J'avais il y avait quelques Bourbon. Prostituées là à un moment, oui. à un endroit. C'est pour ça que je me tiens ici. Oui. Et j'avais 16 ans. et je passe devant une prostituée et en fait, je suis allé acheter une rose. Et c'est marrant, je dis tu avais quel âge ? 16 ans. Et elle me dit, tu montes ? Et je lui ai dit, non, tenez. Tu savais qu'elle pratiquait ? Ouais, ouais, ouais. Okay. Elle me dit, tu montes. Et puis elle était habillée, ouais. Tu vois, je veux dire, c'était lisible. Et je lui dis, tenez, c'est pour vous. Ça l'a fait marrer, tu vois, ouais, il y avait ouais. un petit côté un peu ah, aussi le petit gosse. Ado, un peu illusion, tu vois ce que je veux dire. Je vous ai apporté des bonbons. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'était une fleur et c'est périssable. Et voilà, donc quand tu dis on apporte une fleur, il y a un petit peu ce côté-là. Je fais du bien aussi, ouais. Je fais du bien. Pas toujours en allant dans le sens du poil, hein. C'est pas à faire du bien, non. Un petit chéri, un petit loulou. Bien sûr, un spectacle. Mais ils mettront des pansements. C'est, oui, ouais. Ou je leur mettrai aussi. Ouais. C'est que je vais à la fois mettre des chansons où tout d'un coup ça va être plus dense, ouais. Que je vais raconter et un truc. Voilà, aussi. C'est ça, un peu dur. Quand ouais. je raconte la précarité, j'ai une chanson qui s'appelle Le Quai d'Ouistreham sur le bouquin de Florence Aubenas. Le quotidien des femmes de ménage obligées de travailler dans une pression et donc j'écris une chanson un peu dure, je suis dans la peau de cette personne qui est obligée, qui est contrainte, donc je raconte ça aux gens, c'est pas très rigolo quoi, c'est dur en même temps. Mais tu veux mettre quelque chose de plus consistant et d'autre voilà, et puis à des moments je vais hop, il y a ça, ce moment un peu fort, et puis peut-être que juste après je passe à autre chose, une chanson où je suis un petit on gamin qui rentre à la cantine, oh, oui, ça va te dire autre chose, mais ouais. je vais le prendre complètement autrement, donc si bien qu'on sera passé par des émotions complètement différentes, et mon job à moi c'est doser comme mettre un cocktail main, comme des... un... voilà c'est ça, à des moments mais tu vois je t'ai remué mais ouais. je t'aime là, ça, t'inquiète ouais, pas ouais, je ouais. t'aime, t'inquiète pas, mais c'est on pas... va aller te rechercher après, mais voilà pas. Voilà, je vais t'emmener teint, ah je t'ai des... tu sais, comme tu sais, en fait c'est comme une belle histoire d'amour, c'est une danse. C'est ça une fait danse. Penser d'une chanson d'Alain Bachung, reviens va-t'en, reviens va-t'en, voilà, on, va, on va venir te... comme tu sais, comme quand on danse un rock avec oui, oui, quelqu'un, oui. on le lâche oh, à un oui, moment, oui. on le fait tourner, c'est aussi comme on le rattrape, à la pulsion, voilà, hein. voilà, c'est ça, je... on s'attire, on se reprend, on je se rattrape entre tes reins. Oui, c'est exactement, et c'est là-dessus qu'on va se quitter entre merci, nos reins. Merci mais salut, puis merci d'être passé à mon émission, et surtout, tu es un être incroyable, resplendissant comme je l'imaginais. Et on va faire partager aux Québécois. Merci pour ces rencontres. La musique que tu veux. Ben, j'espère venir un jour là-bas. Oui, ben écoute, ah, ça serait prêt. Super. On ça serait super. Il y a des belles petites salles. Ah, ben ce sera... Puis il y a des festivals. Qui mais je sais bien, je sais bien. Voilà, mais un jour tu auras un tourneur. Oui. Voilà. Tout ça commence. Roule. Tout commence. Et merci. Tout finit. Ah Florent, merci. Salut. Salut. Et donc une chanson avec laquelle je terminerai, une chanson sur le lien. Le lien qu'il peut y avoir entre deux personnes, une chanson sur le lien qu'il peut y avoir entre plein de gens, enfin, le lien, quoi. C'est bien ce qui nous reste quand on se sent un peu seul. Oh là. Chuter sur le ciel en colère et te sentir là, tomber sur soi à même la terre et te sentir là. Fil de nylon, de toi à moi. M'offrir au souffle qui me blesse et te sentir là. Jouir aux frontières des faiblesses et te sentir là. Fil de nylon, de toi à moi. La fille de rêve de mes tourments. Tiens le fil de rêve du cerf-volant. Et si la vie m'arrache à elle, ma liberté replie les ailes. Écrire l'envol de solitude et te sentir là, croiser des formes qui se dénudent, et te sentir là, fil de nylon de toi à moi, tendre vers l'infini mystère, et te sentir là, tenter le rêve contre la trêve, et te sentir là, fil de nylon de toi à moi. De mes tourments, tiens le fil de rêve du cerf-volant. Et si la vie m'arrache à elle, ma liberté replie les ailes. Attendre qu'une brise m'arrache et vous sentir là, tendre les liens qu'on oublie et vous sentir là, fil de nylon de vous à moi. Jouer sans cesse le dernier acte et vous sentir là, renaître du monde qui se contracte et vous sentir là, fil de nylon de vous à moi. Le public de rêve, tiens, de mes tourments, tiens le fil de rêve du cerf-volant. Et si la vie m'arrache à lui, ma liberté un jour s'enfuit. C'est comme un yo-yo, yo-yo, comme un jouet pour les marmots. La vie c'est comme un yo-yo, yo-yo, montre-moi ce que tu fais de beau. Tu la lâches, elle revient, sa vie ça va, ça vient. Tu veux faire des figures et tu te retrouves dans le mur. Si tu te la fais piquer à la cour de récré, va vite, va la rechercher, tu l'as trop négligée. Comme un yo-yo, yo-yo, comme un jouet pour les marmots. La vie c'est comme un yo-yo, yo-yo, montre-moi ce que tu fais de beau. Tu peux pas les changer si elle est abîmée. Tu vas t'y attacher même si elle est rouillée. Si tu n'as rien risqué, ne sois pas étonné de la retrouver dans un tas de vieux papiers. Qui tient le fil, t'es un peu malhabile. Les caïds en rigolent, les copains te consolent. Si les petits sont de trop, si tu joues en solo, c'est que tu te prends au sérieux. T'oublies que c'est un jeu. La vie, c'est comme un yo-yo, yo-yo, comme un jouet pour les marmots. La vie, c'est comme un yo-yo, yo-yo, confisqué par le dirlot. Confisqué par le dirlot. Mes chers amis, si... Si je vous... Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.